nous détruire. C'est malheureux, vendre de la drogue pour s'en sortir. On voudrait tous se repentir avant de partir. Pas de flammard, on t'écart, je vends depuis que j'ai 16 ans. J'suis pas tombé au placard grâce au gris-gris de mes parents. J'ai pas honte de ce que j'fais, personne me donne à manger, j'vis le danger. Mes galères, je les ai toujours assumées, mais j'ai pas de métier. Parce que j'en veux trop, j'suis entêté. T'étais, tu m'as dit ma rhum, j'ai pas dit le smic, c'est de la dorme, mais je pensais. J'ai trop de plaies, un pansement ne suffit pas. Peut-être qu'une villa au bled me calmera. La France nous doit trop, ils ont construit des métros grâce au pif du Roro. Et ils nous donnent même pas un euro. C'est pas des hommes mais des animaux en starco. Chirac ou Sarko, c'est des fils de pute qui ont un problème d'égo. Dans ma banlieue, ça vend du teuteux et de la zipette. Ça coûte des barrettes, en chantant nique sa mère Bernadette. Me parle pas de la patrie, ce qui compte c'est le feu pis. Je déserterai si je dois faire la guerre pour ce pays. Je suis malien et j'aime pas la sodomie. Ces sodomites méritent un bâton muni du sida, préserve ta bille. Ils n'ont rien fait, pour l'Afrique faut nous indemniser. Je vais m'acheter un automatique juste pour l'Elysée. Laisse-moi écrire, y'a que comme ça que je respire. De la rue je m'inspire, l'État voudrait nous détruire. C'est malheureux, vendre de la drogue pour s'en sortir. On voudrait tous se repentir avant de partir. Laisse-moi écrire, y'a que comme ça que je respire. De la rue je m'inspire, l'État voudrait nous détruire. C'est malheureux, vendre de la drogue pour s'en sortir. On voudrait tous se repentir avant de partir. Mon quotidien, la tristesse, le business, le stress. Les chiennes qui chipotent pour se faire casser les fesses. On n'a pas que ça à faire, nous. La spirale est infernale. Ton trou est connu partout. Pourquoi je me donnerais du mal? Aiguise ma plume pour rafler le disque d'or. J'ai pas signé de contrat, mais j'écris pendant que tu dors. Faut que je mette bien ma mifa, que j'ai une belle femme. Qui joue pas les saintes ni touche et se doit devant la webcam. C'est cru, mais c'est réel. Ce qui se passe dans mes ruelles, c'est vulgaire. Mais pas autant. Tant que Bush et Tony Blair, scandale dalleux. M.A.R.O. c'est mon blase. Je représente le 9-2 et je shoot les brebis dalleux. Mon QG, la tour creuse, DG sans eux. C'est du Pakistan, elle fume le c'est mieux qu'une bonne baise. On veut peser, s'épanouir bronzé. Sur les plages des Caraïbes, loin de la BAC. La misère ça me connaît, j'ai jamais fait de bonnet. Mon rêve balayé les rues pour que j'aille en classe de neige. J'écris avec mon cœur, ça sent la rancœur. Et c'est justifié parce qu'ils ne veulent pas notre bonheur. Laisse-moi écrire, y'a que comme ça que je respire. De la rue je m'inspire, l'État voudrait nous détruire. C'est malheureux, vendre de la drogue pour s'en sortir. On voudrait tous se repentir avant de partir. Laisse-moi écrire, y'a que comme ça que je respire. De la rue je m'inspire, l'État voudrait nous détruire. C'est malheureux, vendre de la drogue pour s'en sortir. On voudrait tous se repentir avant de partir. Laisse-moi écrire, y'a que comme ça que je respire. De la rue je m'inspire, l'État voudrait nous détruire. C'est malheureux, vendre de la drogue pour s'en sortir. On voudrait tous se repentir avant de partir.